Bon, alors je voudrais poursuivre avec une transformation dont Michel Thomas parlait déjà dans ses méthodes, celle des mots français en IQ, I-Q-U-E, qui deviennent en anglais des mots en echo, I-C-A-L. Alors, en partant de ce principe, comment dira-t-on logique ? Logical. Logical, avec le G qui se prononce J. Logical, bien. Et donc, si parfaitement se dit perfectly, comment direz-vous à propos de notre ami Vincent, j'ai trouvé son explication parfaitement logique. I found his explanation perfectly logical. I found his explanation perfectly logical. Où l'on emploie his, puisqu'il s'agit de l'explication de Vincent. Si c'était celle de Sarah, on aurait employé her. Donc on en était à I found his explanation, explanation qui veut dire explication, his explanation perfectly logical. Bien. Et alors maintenant, comment direz-vous, pour reprendre un exemple de Michel Thomas, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique en France, avec qu'est-ce que qui se traduit what? What do you think of the political situation in France? What do you think? What do you think of the political situation in France? Right. Il y a donc un certain nombre de mots français en hic pour lesquels il est facile de trouver leur English equivalent en echo. Parfois, vous verrez que le mot anglais est légèrement différent du mot français. C'est le cas, par exemple, de practical, qui veut dire pratique. Dans ce cas, il suffit d'ajouter un C juste avant tickle, et le tour est joué. Vous obtiendrez practical, avec ce petit C en prime. Est-ce que vous pouvez répéter ce mot? Practical. Practical. Donc là, c'est un cas où les deux mots diffèrent légèrement, mais ça ne vous empêchera pas de deviner le sens de practical quand vous l'entendrez et quand vous le lirez. Et si vous êtes dans la situation inverse, c'est-à-dire que vous cherchez à traduire pratique en anglais et dites practical au lieu de practical, on vous comprendra quand même. Or, c'est bien la communication qui nous intéresse ici. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Apprendre une langue, c'est comme apprendre un sport, il faut persévérer. Personne ne vous demande d'apprendre à faire du ski en une journée. Et au début, vous allez forcément faire quelques chutes, ça fait partie de votre apprentissage. Alors comme Michel Thomas le conseillait toujours, détendez-vous. Et quand vous faites une erreur, corrigez-la et passez à autre chose. Encore une fois, il s'agit de faire passer votre balle par-dessus le filet. Alors, reprenons. Pratique se traduit... Practical. Practical, oui. Alors voyons maintenant un autre mot en echo, qui reste proche de son équivalent français, mais vous surprendra peut-être un peu la première fois, du moins à l'oral. Il s'agit de chemical, qui signifie chimique. Chemical, qui s'écrit C-H-E-M-I-C-A-L. Donc l'ensemble C-H-E du début du mot se prononce ke, chemical. Alors est-ce que vous pouvez répéter ce mot? Chemical. Chemical, oui. Alors, si le pluriel de this est these, T-H-E-S-E, et produit se dit product, P-R-O-D-U-C-T, comment direz-vous ces produits chimiques sont extrêmement dangereux? Et extrêmement se dit extremely. These chemical products are extremely dangerous. These chemical products are extremely dangerous. Avec dangerous, que vous avez pu deviner grâce à la transformation toute simple du E de dangereux en OUS. Et donc, these est le pluriel de this, de la même manière que those, T-H-O-S-E, est celui de that.